pas toujours facile de bien vivre avec soi. Mais si seulement, si seulement, si seulement on savait pourquoi. Ils partent tout le temps et s'en vont tout là-bas. Mais si seulement, si seulement, si seulement ils savaient pourquoi. C'est un monde dans un monde dans un rêve, où tout le monde rêve d'un monde où vivent les rêves. Mais oh, tellement loin d'un autre, tellement loin d'un autre. Toi, tu ne prends pas le temps de me voir. Seulement tu pouvais savoir, je suis né perdu, trouvé dans l'univers. Mais si seulement, si seulement, si seulement on faisait la paire. C'est un monde dans un monde dans un rêve, où toi et moi rêvons. Je suis capitaine sur un bateau pirate. Mais si seulement, si seulement, si seulement je savais pourquoi. Le monde est mieux qu'avant et pas mal.